Section 6. Des mémoires d'outre-tombe, volume 3, par François-René de Chateaubriand. Les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Lu par Christiane Johan. Troisième partie, livre premier, suite. Cette fatalité dont Bonaparte menaçait les rois, le menaçait lui-même. Presque simultanément, il attaque la Russie, l'Espagne et Rome, trois entreprises qui l'ont perdu. Vous avez vu dans le congrès de Vérone, dont la publication a devancé celle de ses mémoires, l'histoire de l'envahissement de l'Espagne. Le traité de Fontainebleau fut signé le 27 octobre 1807. Junot, arrivé en Portugal, avait déclaré, d'après le décret de Bonaparte, que la maison de Bragance avait cessé de régner. Protocole adopté. Vous savez qu'elle règne encore. On était si bien instruit à Lisbonne de ce qui se passait sur la terre que Jean VI ne connut ce décret que par un numéro du Moniteur apporté par hasard, et déjà l'armée française était à trois marches de la capitale de la Lusitanie. Il ne restait à la cour qu'à fuir sur ces mers qu'ils saluèrent les voiles de Gama et entendirent les chants de Camoens. En même temps que pour son malheur, Bonaparte avait au nord touché la Russie. Le rideau se leva au midi. On vit d'autres régions et d'autres scènes. Le soleil de l'Andalousie, les palmiers du Guadalquivir que nos grenadiers saluèrent en portant les armes. Dans l'arène, on aperçut des taureaux combattant, dans les montagnes, des guérillas demi-nus, dans les cloîtres, des moines priant. Par l'envahissement de l'Espagne, l'esprit de la guerre changea. Napoléon se trouva en contact avec l'Angleterre, son génie funeste, et il lui apprit la guerre. L'Angleterre détruisit la flotte de Napoléon à Aboukir, l'arrêta à Saint-Jean-d'Acre, lui enleva ses derniers vaisseaux à Trafalgar, le contraignit d'évacuer l'Ibérie, s'empara du midi de la France jusqu'à la Garonne et l'attendit à Waterloo. Elle garde aujourd'hui sa tombe à Sainte-Hélène, de même qu'elle occupa son berceau en Corse. Le 5 mai 1808, le traité de Bayonne cède à Napoléon, au nom de Charles IV, tous les droits de ce monarque. Le rapt des Espagnes ne fait plus de Bonaparte qu'un prince d'Italie, à la façon de Machiavel, sauf l'énormité du vol. L'occupation de la péninsule diminue ses forces contre la Russie, dont elle est encore ostensiblement l'amie et l'alliée, mais dont il porte au cœur la haine cachée. Dans sa proclamation, Napoléon avait dit aux Espagnols « Votre nation périssait, j'ai vu vos maux, je vais y porter remède. Je veux que vos derniers neveux conservent mon souvenir et disent « Il fut le régénérateur de notre patrie ». Oui, il a été le régénérateur de l'Espagne, mais il prononçait des paroles qu'il comprenait mal. Un catéchisme d'alors, composé par des Espagnols, explique le sens véritable de la prophétie. « Dis-moi, mon enfant, qui es-tu ? Espagnol, par la grâce de Dieu ? Quel est l'ennemi de notre félicité ? L'empereur des Français ? Qui est-ce ? Un méchant. Combien a-t-il de nature ? Deux, la nature humaine et la nature diabolique. De qui dérive Napoléon ? Du péché. Quel supplice mérite l'Espagnol qui manque à ses devoirs ? La mort et l'infamie des traîtres. Que sont les Français ? D'anciens chrétiens devenus hérétiques. Bonaparte tombé a condamné en termes non équivoques son entreprise d'Espagne. J'embarquais, dit-il, fort mal toute cette affaire. L'immoralité dut se montrer par trop patente, l'injustice par trop cynique. Et le tout demeure fort vilain puisque j'ai succombé, car l'attentat ne se présente plus que dans sa honteuse nudité, privée de tout le grandiose et des nombreux bienfaits qui remplissaient mon intention. La postérité lui préconisait pourtant si j'avais réussi, et avec raison peut-être, à cause de ses grands et heureux résultats. Cette combinaison m'a perdu. Elle a perdu ma moralité en Europe, ouvert une école aux soldats anglais. Cette malheureuse guerre d'Espagne a été une véritable plaie, la cause première des malheurs de la France. Cet aveu, pour réemployer la phrase de Napoléon, est par trop cynique. Mais ne nous y trompons pas. En s'accusant, le but de Bonaparte est de chasser dans le désert, chargé de malédictions, un attentat émissaire, afin d'appeler sans réserve l'admiration sur toutes ses autres actions. L'affaire de Baylen perdue, les cabinets de l'Europe, étonnés du succès des Espagnols, rougissent de leur pusillanimité. Wellington se lève pour la première fois sur l'horizon, au point où le soleil se couche. Une armée anglaise débarque, le 31 juillet 1808, près de Lisbonne, et le 30 août, les troupes françaises évacuent la Lusitanie. Soult avait en portefeuille des proclamations où il s'intitulait Nicolas Ier, roi de Portugal. Napoléon rappela de Madrid le grand-duc de Berck. Entre Joseph, son frère, et Joachim, son beau-frère, il lui plut d'opérer une transmutation. Il prit la couronne de Naples sur la tête du premier et la posa sur la tête du second. Il enfonça d'un coup de main ses coiffures sur le front des deux nouveaux rois et ils s'en allèrent chacun de son côté comme deux conscrits qui ont changé de shako. Le 22 septembre, à Erfurt, Bonaparte donna une des dernières représentations de sa gloire. Il croyait s'être joué d'Alexandre et l'avoir enivré d'éloges. Un général écrivait « Nous venons de faire avaler un verre d'opium au tsar, et pendant qu'il dormira, nous irons nous occuper d'ailleurs. » Un hangar avait été transformé en salle de spectacle. Deux fauteuils à bras étaient placés devant l'orchestre pour les deux potentats. À gauche et à droite, des chaises garnies pour les monarques. Derrière étaient des banquettes pour les princes. Talma, roi de la Seine, joua devant un parterre de rois. À ce verre, l'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux, Alexandre serra la main de son grand ami, s'inclina et dit « Je ne l'ai jamais mieux senti ». Aux yeux de Bonaparte, Alexandre était alors un niais. Il en faisait des risées. Il l'admira quand il le supposa fourbe. « C'est un grec du bas-empire, disait-il. Il faut s'en défier. » À Erfurt, Napoléon affectait la fausseté effrontée d'un soldat vainqueur. Alexandre dissimulait comme un prince vaincu. La ruse luttait contre le mensonge. La politique de l'Occident et la politique de l'Orient gardaient leur caractère. Londres éluda les ouvertures de paix qui lui furent faites et le cabinet de Vienne se déterminait sournoisement à la guerre. Livré de nouveau à son imagination, Bonaparte, le 26 octobre, fit au corps législatif cette déclaration. « L'empereur de Russie et moi, nous nous sommes vus à Erfurt. Nous sommes d'accord et invariablement unis pour la paix comme pour la guerre. » Il ajouta, « Lorsque je paraîtrai au-delà des Pyrénées, le léopard épouvanté cherchera l'océan pour éviter la honte, la défaite ou la mort. » Et le léopard apparut en deçà des Pyrénées. Napoléon, qui croit toujours ce qu'il désire, pense qu'il reviendra sur la Russie après avoir achevé de soumettre l'Espagne en 4 mois, comme il arriva depuis à la légitimité. Conséquemment, il retire 80 000 vieux soldats de la Saxe, de la Pologne et de la Prusse. Il marche lui-même en Espagne. Il dit à la députation de la ville de Madrid « Il n'est aucun obstacle capable de retarder longtemps l'exécution de mes volontés. Les Bourbons ne peuvent plus régner en Europe. Aucune puissance ne peut exister sur le continent influencée par l'Angleterre. » Il y a 32 ans que cet oracle est rendu, et la prise de Saragosse, dès le 21 février 1809, annonça la délivrance de l'univers. Toute la vaillance des Français leur fut inutile. Les forêts s'armèrent, les buissons devinrent ennemis, les représailles n'arrêtèrent rien, parce que dans ce pays les représailles sont naturelles. L'affaire de Bailen, la défense de Riron et de Ciudad Rodrigo signalèrent la résurrection d'un peuple. La Romana, du fond de la Baltique, ramène ses régiments en Espagne, comme autrefois les Francs, échappés de la mer Noire, débarquèrent triomphants aux bouches du Rhin. Vainqueurs des meilleurs soldats de l'Europe, nous versions le sang des moines avec cette rage impie que la France tenait des bouffonneries de Voltaire et de la démence athée de la Terreur. Ce furent pourtant ces milices du cloître qui mirent un terme au succès de nos vieux soldats. Ils ne s'attendaient guère à rencontrer ces enfroqués, à cheval, comme des dragons de feu, sur les poutres embrasées des édifices de Saragosse, chargeant leurs escopettes parmi les flammes au son des mandolines, au chant des boléros et au requiem de la messe des morts. Les ruines de Sagonte applaudirent. Mais néanmoins le secret des palais des morts, changés en basiliques chrétiennes, fut pénétré. Les églises dépouillées perdirent les chefs-d'œuvre de Velasquez et de Murillo. Une partie des eaux de Rodrigue à Burgos fut enlevée. On avait tant de gloire qu'on ne craignit pas de soulever contre soi les restes du Cid, comme on n'avait pas craint d'irriter l'ombre de Condé. Lorsque, sortant des débris de Carthage, je traversais l'Hespérie avant l'invasion des Français, j'aperçus les Espagnes encore protégées de leurs antiques mœurs, L'Escurial me montra dans un seul site et dans un seul monument la sévérité de la Castille. Caserne de cénobites bâtie par Philippe II dans la forme d'un gril de martyr en mémoire de l'un de nos désastres, l'Escurial s'élevait sur un sol concret entre des mornes noires. Il renfermait des tombes royales, remplies ou à remplir, une bibliothèque à laquelle les araignées avaient apposé leurs sceaux, et des chefs-d'œuvre de Raphaël moisissant dans une sacristie vide. Ces 1140 fenêtres, aux trois quarts brisées, s'ouvraient sur les espaces muets du ciel et de la terre. La cour et les hiéronymites y rassemblaient autrefois le siècle et le dégoût du siècle. Auprès du redoutable édifice à face d'inquisition chassée au désert, était un parc strié de genêts et un village dont les foyers enfumés révélaient l'ancien passage de l'homme. Le Versailles des steppes n'avait d'habitants que pendant le séjour intermittent des rois. J'ai vu le Mauvy, alouette de bruyère, perché sur la toiture à jour. Rien n'était plus imposant que ces architectures saintes et sombres, à croyance invincible, à mine haute, à taciturne expérience. Une insurmontable force attachait mes yeux aux docerets secrets, ermites de pierre qui portaient la religion sur leur tête. Adieu, monastère, à qui j'ai jeté un regard aux vallées de la Sierra Nevada et aux grèves des mers de Murcie. Là, au glas d'une cloche qui ne tintera bientôt plus, sous des arcades tombantes, parmi des laures sans anachorète, des sépulcres sans voix, des morts sans manne, là, dans des réfectoires vides, dans des préaux abandonnés où Bruno laissa son silence, François ses sandales, Dominique sa torche, Charles sa couronne, Ignace son épée, Rancé son cilice, à l'autel d'une foi qui s'éteint, on s'accoutumait à mépriser le temps et la vie. Si l'on rêvait encore de passion, votre solitude leur prêtait quelque chose qui allait bien à la vanité des songes. À travers ces constructions funèbres, on voyait passer l'ombre d'un homme noir. C'était l'ombre de Philippe II, leur inventeur. Bonaparte était entré dans l'orbite de ce que les astrologues appelaient la planète traversière. La même politique qui le jetait dans l'Espagne vassale agitait l'Italie soumise. Que lui revenait-il des chicanes faites au clergé? Le souverain pontife, les évêques, les prêtres, le catéchisme même, ne surabondait-il pas en éloge de son pouvoir? Ne prêchait-il pas assez l'obéissance? Les faibles états romains, diminués d'une moitié, lui faisaient-ils obstacle? N'en disposait-il pas à sa volonté? Rome même n'avait-elle pas été dépouillée de ses chefs-d'œuvre et de ses trésors? Il ne lui restait que ses ruines. Était-ce la puissance morale et religieuse du Saint-Siège dont Napoléon avait peur? Mais, en persécutant la papauté, n'augmentait-il pas cette puissance? Le successeur de Saint-Pierre, soumis comme il l'était, ne lui devenait-il pas plus utile en marchant de concert avec le maître qu'en se trouvant forcé de se défendre contre l'oppresseur? Qui poussait donc Bonaparte? La partie mauvaise de son génie, son impossibilité de rester en repos. Joueur éternel, quand il ne mettait pas des empires sur une carte, il y mettait une fantaisie. Il est probable qu'au fond de ces tracasseries, il y avait quelque cupidité de domination, quelques souvenirs historiques entrés de travers dans ses idées et inapplicables au siècle. Toute autorité, même celle du temps et de la foi, qui n'était pas attachée à sa personne, semblait à l'empereur une usurpation. La Russie et l'Angleterre accroissaient sa soif de prépondérance, l'une par son autocratie, l'autre par sa suprématie spirituelle. Il se rappelait les temps du séjour des papes à Avignon, quand la France renfermait dans ses limites la source de la domination religieuse. Un pape payé sur sa liste civile l'aurait charmé. Il ne voyait pas qu'en persécutant Pie VII, en se rendant coupable d'une ingratitude sans fruit, il perdait auprès des populations catholiques l'avantage de passer pour le restaurateur de la religion. Il gagnait à sa convoitise le dernier vêtement du prêtre caduc qui l'avait couronné et l'honneur de devenir le geôlier d'un vieillard mourant. Mais enfin, il fallait à Napoléon un département du Tibre. On dirait qu'il ne peut y avoir de conquête complète que par la prise de la ville éternelle. Rome est toujours la grande dépouille de l'univers. Pie VII avait sacré Napoléon. Prêt à retourner à Rome, on fit entendre au pape qu'on le pourrait retenir à Paris. « Tout est prévu, » répondit le pontife. « Avant de quitter l'Italie, j'ai signé une abdication régulière. Elle est entre les mains du cardinal Pignatelli, à Palerme, hors de la portée du pouvoir des Français. Au lieu d'un pape, il ne restera entre vos mains qu'un moine appelé Barnabé Caramonti. » Le premier prétexte de la querelle du chercheur de querelles fut la permission accordée par le pape aux Anglais, avec lesquels lui, souverain pontife, était en paix, de venir à Rome comme les autres étrangers. Ensuite, Jérôme Bonaparte, ayant épousé aux États-Unis Mademoiselle Patterson, Napoléon désapprouva cette alliance. Madame Jérôme Bonaparte, prête d'accoucher, ne put débarquer en France et fut obligée d'aborder en Angleterre. Bonaparte veut faire casser le mariage à Rome. Pie VII s'y refuse, ne trouvant à l'engagement aucune cause de nullité, bien qu'il fût contracté entre un catholique et une protestante. Qui défendait les droits de la justice, de la liberté et de la religion, du pape ou de l'empereur? Celui-ci s'écriait « Je trouve dans mon siècle un prêtre plus puissant que moi. Il règne sur les esprits et je ne règne que sur la matière. Les prêtres gardent l'âme et me jettent le cadavre. » Ôter la mauvaise foi de Napoléon dans cette correspondance entre ces deux hommes, l'un debout sur des ruines nouvelles, l'autre assis sur de vieilles ruines, il reste un fond extraordinaire de grandeur. Une lettre datée de Benavente en Espagne, du théâtre de la destruction, vient mêler le comique au tragique. On croit assister à une scène de Shakespeare. Le maître du monde prescrit à son ministre des Affaires étrangères d'écrire à Rome pour déclarer au pape que lui, Napoléon, n'acceptera pas les cierges de la Chandeleur, que le roi d'Espagne, Joseph, n'en veut pas non plus. Les rois de Naples et de Hollande, Joachim et Louis, doivent également refuser les 10 cierges. Le consul de France eut ordre de dire, à Pie VII, que ce n'était ni la pourpre ni la puissance qui donne de la valeur à ces choses. La pourpre est la puissance d'un vieillard prisonnier. Qu'il peut y avoir en enfer des papes et des curés, et qu'un cierge béni par un curé peut être une chose aussi sainte que celui d'un pape. Misérables outrages d'une philosophie de club. Puis Bonaparte, ayant fait une enjambée de Madrid à Vienne, reprenant son rôle d'exterminateur, par un décret daté du 17 mai 1809, réunit les États de l'Église à l'Empire français, déclare Rome ville impériale libre et nomme une consulte pour en prendre possession. Le pape dépossédé résidait encore au Quirinal. Il commandait encore à quelques autorités dévouées, à quelques Suisses de sa garde. C'était trop. Il fallait un prétexte à une dernière violence. On le trouva dans un incident ridicule, qui pourtant offrait une preuve naïve d'affection. Des pêcheurs du Tibre avaient pris un esturgeon. Ils le veulent porter à leur nouveau Saint-Pierre au lien. Aussitôt les agents français crient « à l'émeute » et ce qui restait du gouvernement papal est dispersé. Le bruit du canon du château Saint-Ange annonce la chute de la souveraineté temporelle du pontife. Le drapeau pontifical abaissé fait place à ce drapeau tricolore qui, dans toutes les parties du monde, annonçait la gloire et les ruines. Rome avait vu passer et s'évanouir bien d'autres orages. Ils n'ont fait qu'enlever la poussière dont sa vieille tête est couverte. Le cardinal Pacca, un des successeurs de Gonsalvi, qui s'était retiré, courut auprès du Saint-Père. Tous les deux s'écrient « Consumatum est ». Le neveu du cardinal, Tibère Pacca, apporte un exemplaire imprimé du décret de Napoléon. Le cardinal prend le décret, s'approche d'une fenêtre dont les volets fermés ne laissaient entrer qu'une lumière insuffisante, et veut lire le papier. Il n'y parvient qu'avec peine, en voyant à quelques pas de lui son infortuné souverain et entendant les coups de canon du triomphe impérial. Deux vieillards dans la nuit d'un palais romain luttaient seuls contre une puissance qui écrasait le monde. Ils tiraient leur vigueur de leur âge. Prêts à mourir, on est invincible. Le pape signa d'abord une protestation solennelle. Mais, avant de signer la bulle d'excommunication, depuis longtemps préparée, il interrogea le cardinal Pacca. « Que feriez-vous ? » lui dit-il. « Levez les yeux au ciel, » répondit le serviteur. Ensuite, donnez vos ordres. Ce qui sortira de votre bouche sera ce que veut le ciel. » Le pape leva les yeux, signa et s'écria « Donnez cours à la bulle. » mais Gatsy posa les premières affiches de la bulle aux portes des trois basiliques de Saint-Pierre, de Sainte-Marie-Majeure et de Saint-Jean-de-Latran. Le placard fut arraché, le général Miollis l'expédia à l'empereur. Si quelque chose pouvait rendre à l'excommunication un peu de son ancienne force, c'était la vertu de Pie VII. Chez les anciens, la foudre qui éclatait dans un ciel serein passait pour la plus menaçante. Mais la bulle conservait encore un caractère de faiblesse. Napoléon, compris parmi les spoliateurs de l'Église, n'était pas expressément nommé. Le temps était aux frayeurs. Les timides se réfugièrent en sûreté de conscience dans cette absence d'excommunication nominale. Il fallait combattre à coups de tonnerre. Il fallait rendre foudre pour foudre, puisqu'on n'avait pas pris le parti de se défendre. Il fallait faire cesser le culte, fermer les portes des temples, mettre les églises en interdit, ordonner aux prêtres de ne plus administrer les sacrements. Que le siècle fût propre ou non à cette haute aventure, utile était de la tenter. Grégoire VII n'y eut pas manqué. Si d'une part il n'y avait pas assez de foi pour soutenir une excommunication, de l'autre il n'y en avait plus assez pour que Bonaparte, devenant un Henri VIII, se fît chef d'une église séparée. L'empereur, par l'excommunication complète, se fut trouvé dans des difficultés inextricables. La violence peut fermer les églises, mais elle ne les peut ouvrir. On ne saurait ni forcer le peuple à prier, ni contraindre le prêtre à offrir le saint sacrifice. Jamais on n'a joué contre Napoléon toute la partie qu'on pouvait jouer. Un prêtre de 71 ans, sans un soldat, tenait en échec l'Empire. Murat dépêcha 700 napolitains à Miollis, l'inaugurateur de la fête de Virgile à Mantoue. Radet, général de gendarmerie, qui se trouvait à Rome, fut chargé d'enlever le pape et le cardinal Pacca. Les précautions militaires furent prises, les ordres donnés dans le plus grand secret, et tout juste comme dans la nuit de la Saint-Barthélemy. Lorsqu'une heure après minuit frapperait à l'horloge du Quirinal, les troupes rassemblées en silence devaient monter intrépidement à l'escalade de la geôle des deux prêtres décrépits. À l'heure attendue, le général Radet pénétra dans la cour du Quirinal par la grande entrée. Le colonel Siri, qui s'était glissé dans le palais, lui en ouvrit en dedans les portes. Le général monte aux appartements. Arrivé dans la salle des sanctifications, il y trouve la garde suisse, forte de 40 hommes. Elle ne fit aucune résistance, ayant reçu l'ordre de s'abstenir. Le pape ne voulait avoir devant lui que Dieu. Les fenêtres du palais donnant sur la rue qui va à la Porta Pia avaient été brisées à coups de hache. Le pape, levé à la hâte, se tenait en rochet et en mosette dans la salle de ses audiences ordinaires avec le cardinal Pacca, le cardinal d'Espugues, quelques prélats et des employés de la secrétairerie. Il était assis devant une table entre les deux cardinaux. Radet entre. On reste de part et d'autre en silence. Radet, pâle et déconcerté, prit enfin la parole. Il déclare à Pie VII qu'il doit renoncer à la souveraineté temporelle de Rome et que si sa sainteté refuse d'obéir, il a ordre de la conduire au général Miollis. Le pape répondit que si les serments de fidélité obligeaient Radet d'obéir aux injonctions de Bonaparte, à plus forte raison, lui, Pie VII, devait tenir les serments qu'il avait faits en recevant la tiare. Il ne pouvait ni céder ni abandonner le domaine de l'Église qui ne lui appartenait pas, et dont il n'était que l'administrateur. Le pape ayant demandé s'il devait partir seul, « Votre sainteté, répondit le général, peut emmener avec elle son ministre. » Pacca courut se revêtir dans une chambre voisine de ses habits de cardinal. Dans la nuit de Noël, Grégoire VII, célébrant l'office à Sainte-Marie-Majeure, fut arraché de l'autel, blessé à la tête, dépouillé de ses ornements et conduit dans une tour par ordre du préfet Sensius. Le peuple prit les armes, Sensius, effrayé, tomba aux pieds de son captif. Grégoire apaisa le peuple, fut ramené à Sainte-Marie-Majeure et acheva l'office. Le 8 septembre 1303, Nogaret et Colonne entrèrent la nuit dans Agnani, forcèrent la maison de Boniface VIII, qui les attendait, le manteau pontifical sur les épaules, la tête sainte de la tiare, les mains armées des clés et de la croix. Colonne le frappa au visage, Boniface en mourut de rage et de douleur. Pie VII, humble et digne, ne montra ni la même audace humaine, ni le même orgueil du monde. Les exemples étaient plus près de lui. Ses épreuves ressemblaient à celles de Pie VI. Deux papes du même nom, successeurs l'un de l'autre, ont été victimes de nos révolutions. Tous deux furent traînés en France par la voie douloureuse. L'un, âgé de 82 ans, est venu expirer à Valence. L'autre, septuagénaire, a subi la prison à Fontainebleau. Pie VII semblait être le fantôme de Pie VI repassant sur le même chemin. Lorsque Paccard, dans sa robe de cardinal, revint, il trouva son auguste maître déjà entre les mains des sbires et des gendarmes, qui le forçaient de descendre les escaliers sur les débris des portes jetées à terre. Pie VI, enlevé du Vatican le 20 février 1798, 3 heures avant le lever du soleil, abandonna le monde de chefs-d'œuvre qui semblait le pleurer et sortit de Rome au murmure des fontaines de la place Saint-Pierre par la porte angélique. Pie VII, enlevé du Quirinal le 6 juillet au point du jour, sortit par la porte Pia. Il fit le tour des murailles jusqu'à la porte du peuple. Cette porte Pia, où tant de fois je me suis promené seul, fut celle par laquelle Alaric entra dans Rome. En suivant le chemin de ronde où Pie VII avait passé, je ne voyais du côté de la Villa Borghese que la retraite de Raphaël, et du côté du Monte Pincio que les refuges de Claude Lorrain et du Poussin. Merveilleux souvenir de la beauté des femmes et de la lumière de Rome. Souvenir du génie des arts que protégea la puissance pontificale et qui pouvait suivre et consoler un prince captif et dépouillé. Quand Pie VII partit de Rome, il avait dans sa poche un papetto de 22 sous, comme un soldat à 5 sous par étape. Il a recouvré le Vatican. Bonaparte, au moment des exploits du général Radet, avait les mains pleines de royaumes. Que lui en est-il resté? Radet a imprimé le récit de ses exploits. Il en a fait faire un tableau qu'il a laissé à sa famille. Tant les notions de la justice et de l'honneur sont brouillées dans les esprits. Dans la cour du Quirinal, le pape avait rencontré les Napolitains, ses oppresseurs. Il les bénit ainsi que la ville. Cette bénédiction apostolique, se mêlant à tout, dans le malheur comme dans la prospérité, donne un caractère particulier aux événements de la vie de ces rois pontifes qui ne ressemblent point aux autres rois. Des chevaux de poste attendaient en dehors de la porte du peuple. Les persiennes de la voiture où monta Pie VII étaient clouées du côté où il s'assit. Le pape entré, les portières furent fermées à double tour et Radet mit les clés dans sa poche. Le chef des gendarmes devait accompagner le pape jusqu'à la chartreuse de Florence. À Monte Rossi, il y avait sur le seuil des portes des femmes qui pleuraient. Le général pria sa sainteté de baisser les rideaux de la voiture pour se cacher. La chaleur était accablante. Vers le soir, Pie VII demanda à boire. Le maréchal des logis, Cardigny, remplit une bouteille d'une eau sauvage qui coulait sur le chemin. Pie VII but avec grand plaisir. Sur la montagne de Radicofani, le pape descendit à une pauvre auberge. Ses habits étaient trempés de sueur. Il n'avait pas de quoi se changer. Paca aida la servante à faire le lit de sa sainteté. Le lendemain, le pape rencontra des paysans. Il leur dit « courage et prière ». On traversa Sienne, on entra dans Florence, une des roues de la voiture se brisa, le peuple ému s'écriait « Santo Padre, Santo Padre !» Le pape fut tiré hors de la voiture renversée par une portière. Les uns se prosternaient, les autres touchaient les vêtements de sa sainteté, comme le peuple de Jérusalem, la robe du Christ. Le pape put enfin se remettre en route pour la chartreuse. Il hérita dans cette solitude de la couche que 10 ans auparavant avait occupée Pie VI, lorsque 2 palefreniers hissaient celui-ci dans la voiture et qu'il poussait des gémissements de souffrance. La chartreuse appartenait au site de Vallombrosa. Par une succession de forêts de pins, on arrivait au Camaldule, et de là, de rocher en rocher, à ce sommet de l'Apennin qui voit les deux mers. Un ordre subit contraignit Pie VII de repartir pour Alexandrie. Il n'eut que le temps de demander un bréviaire au prieur. Paca fut séparé du souverain pontife. De la chartreuse à Alexandrie, la foule accourut de toutes parts. On jetait des fleurs au captif. On lui donnait de l'eau. On lui présentait des fruits. Des gens de la campagne prétendaient le délivrer et lui disaient « Vuole, dica !» Un pieux larron lui déroba une épingle, relique qui devait ouvrir aux ravisseurs les portes du ciel. À 3 000 de Gênes, une litière conduisit le pape au bord de la mer, une felouque le transporta de l'autre côté de la ville à Saint-Pierre d'Arena. Par la route d'Alexandrie et de Mondovie, Pie VII gagna le premier village français. Il y fut accueilli avec des effusions de tendresse religieuse. Il disait « Dieu pourrait-il nous ordonner de paraître insensibles à ces marques d'affection ?» Les Espagnols, faits prisonniers à Saragosse, étaient détenus à Grenoble. De même que ces garnisons d'Européens, oubliés sur quelques montagnes des Indes, ils chantaient la nuit et faisaient retentir ces climats étrangers, des airs de la patrie. Tout à coup, le pape descend. Il semblait avoir entendu ces voix chrétiennes. Les captifs volent au-devant du nouvel opprimé, ils tombent à genoux, Pie VII jette presque tout son corps hors de la portière, il étend ses mains amaigries et tremblantes sur ses guerriers qui avaient défendu la liberté de l'Italie avec l'épée, comme il avait défendu la liberté de l'Espagne avec la foi. Les deux glaives se croisent sur des têtes héroïques. De Grenoble, Pie VII atteignit Valence. Là, Pie VI avait expiré. Là, il s'était écrié quand on le montra au peuple, Ecce Homo. Là, Pie VI se sépara de Pie VII. Le mort, rencontrant sa tombe, y rentra. Il fit cesser la double apparition, car jusqu'alors on avait vu comme deux papes marchant ensemble, ainsi que l'ombre accompagne le corps. Pie VII portait l'anneau que Pie VI avait au doigt lorsqu'il expira, signe qu'il avait accepté les misères et les destinées de son devancier. À 2 lieues de Comana, saint Chrysostome logea aux établissements de saint Basilisque. Ce martyr lui apparut pendant la nuit et lui dit « Courage, mon frère Jean, demain nous serons ensemble. » Jean répliqua « Dieu soit loué de tout. » Il s'étendit à terre et mourut. À Valence, Bonaparte commença la carrière d'où il s'élança sur Rome. On ne laissa pas le temps à Pie VII de visiter les cendres de Pie VI. On le poussa précipitamment à Avignon. C'était le faire rentrer dans la petite Rome. Il y put voir la glacière dans les souterrains du palais d'une autre lignée de pontifes et entendre la voix de l'ancien poète couronné qui rappelait les successeurs de Saint-Pierre au Capitole. Conduit au hasard, il rentra dans les Alpes-Maritimes. Au pont du Var, il le voulut traverser à pied. Il rencontra la population divisée en ordres de métier, les ecclésiastiques vêtus de leurs habits sacerdotaux et 10 000 personnes à genoux dans un profond silence. La reine d'Étrurie, avec ses 2 enfants, à genoux aussi, attendait le Saint-Père au bout du pont. À Nice, les rues de la ville étaient jonchées de fleurs. Le commandant qui menait le pape à Savone prit la nuit un chemin infréquenté par les bois. À son grand étonnement, il tomba au milieu d'une illumination solitaire. Un lampion avait été attaché à chaque arbre. Le long de la mer, la corniche était pareillement illuminée. Les vaisseaux aperçurent de loin ces phares que le respect, l'attendrissement et la piété allumaient pour le naufrage d'un moine captif. Napoléon revint-il ainsi de Moscou? Était-ce du bulletin de ses bienfaits et des bénédictions des peuples qu'il était précédé? Durant ce long voyage, la bataille de Wagram avait été gagnée, le mariage de Napoléon avec Marie-Louise arrêté, 13 des cardinaux mandés à Paris furent exilés, et la consulte romaine formée par la France avait de nouveau prononcé la réunion du Saint-Siège à l'Empire. Le pape, détenu à Savone, fatigué et assiégé par les créatures de Napoléon, émit un bref dont le cardinal Roverella fut le principal auteur et qui permettait d'envoyer des bulles de confirmation à différents évêques nommés. L'empereur n'avait pas compté sur tant de complaisance. Il rejeta le bref parce qu'il lui eût fallu mettre le souverain pontife en liberté. Dans un accès de colère, il avait ordonné que les cardinaux opposants quittassent la pourpre. Quelques-uns furent enfermés à Vincennes. Le préfet de Nice écrivit à Pie VII que défense lui était faite de communiquer avec aucune église de l'Empire sous peine de désobéissance. Que lui, Pie VII, a cessé d'être l'organe de l'église parce qu'il prêche la rébellion et que son âme est toute de fiel. Que puisque rien ne peut le rendre sage, il verra que sa majesté est assez puissante pour déposer un pape. Était-ce bien le vainqueur de Marengo qui avait dicté la minute d'une pareille lettre? Enfin, après 3 ans de captivité à Savone, le 9 de juin 1812, le pape fut mandé en France. On lui enjoignit de changer d'habit. Dirigé sur Turin, il arriva à l'hospice du Mont-Cenis au milieu de la nuit. Là, près d'expirer, il reçut l'extrême onction. On ne lui permit de s'arrêter que le temps nécessaire à l'administration du dernier sacrement. On ne souffrit pas qu'il séjournât près du ciel. Il ne se plaignit point. Il renouvelait l'exemple de la mansuétude de la martyre de Verseilles. Au bas de la montagne, au moment qu'elle allait être décollée, voyant tomber l'agrafe de la chlamyde du bourreau, elle dit à cet homme « Voilà une agrafe d'or qui vient de tomber de ton épaule. Ramasse-la, de crainte de perdre ce que tu n'as gagné qu'avec beaucoup de travail. » Pendant sa traversée de la France, on ne permit pas à Picette de descendre de voiture. S'il prenait quelque nourriture, c'était dans cette voiture même que l'on enfermait dans les remises de la poste. Le 20 juin au matin, il arriva à Fontainebleau. Bonaparte, 3 jours après, franchissait le Niémen pour commencer son expiation. Le concierge refusa de recevoir le captif, parce qu'aucun ordre ne lui était encore parvenu. L'ordre envoyé de Paris, le pape entra dans le château. Il y fit entrer avec lui la justice céleste. Sur la même table où Picette appuyait sa main défaillante, Napoléon signa son abdication. Si l'inique invasion de l'Espagne souleva contre Bonaparte le monde politique, l'ingrate occupation de Rome lui rendit contraire le monde moral. Sans la moindre utilité, il s'aliéna comme à plaisir les peuples et les autels, l'homme et Dieu. Entre les deux précipices qu'il avait creusés au bord de sa vie, il alla par une étroite chaussée chercher sa destruction au fond de l'Europe, comme sur ce pont que la mort aidée du mal avait jeté à travers le chaos. Picette n'était point étranger à ses mémoires. C'est le premier souverain auprès duquel j'ai rempli une mission dans ma carrière politique, commencée et subitement interrompue sous le consulat. Je le vois encore me recevant au Vatican, le génie du christianisme ouvert sur sa table, dans le même cabinet où j'ai été admis au pied de Léon XII et de Pie VIII. J'aime à rappeler ce qu'il a souffert. Les douleurs qu'il a bénies à Rome en 1803 paieront aux siennes par mon souvenir une dette de reconnaissance. Le 9 avril 1809, entre l'Angleterre, l'Autriche et l'Espagne, se déclara la 5e coalition, sourdement appuyée par le mécontentement des autres souverains. Les Autrichiens, se plaignant de l'infraction de traité, passent tout à coup l'Inn à Braunau. On leur avait reproché leur lenteur, ils voulurent faire les Napoléons. Cette allure ne leur allait pas. Heureux de quitter l'Espagne, Bonaparte accourt en Bavière. Il se met à la tête des Bavarois, sans attendre les Français. Tout soldat lui était bon. Il défait à Abensberg l'archiduc Louis, à Eckmühl l'archiduc Charles. Il scie en deux l'armée autrichienne, il effectue le passage de la Salza. Il entre à Vienne, le 21 et le 22 mai a lieu le terrible affaire d'Essling. La relation de l'archiduc Charles porte que le premier jour, 288 pièces autrichiennes tirèrent 51 000 coups de canon, et que le lendemain, plus de 400 pièces jouèrent de part et d'autre. Le maréchal Lannes y fut blessé mortellement. Bonaparte lui dit un mot, et puis l'oublia. L'attachement des hommes se refroidit aussi vite que le boulet qui les frappe. La bataille de Wagram, 6 juillet 1809, résume les différents combats livrés en Allemagne. Bonaparte y déploie tout son génie. Le colonel César de la Ville, chargé de l'aller prévenir d'un désastre qu'éprouve l'aile gauche, le trouve à l'aile droite dirigeant l'attaque du maréchal Davout. Napoléon revient sur le champ à la gauche et répare l'échec essuyé par Masséna. Ce fut alors, au moment où l'on croyait la bataille perdue, que jugeant seul du contraire par les manœuvres de l'ennemi, il s'écria « La bataille est gagnée !» Il oppose sa volonté à la victoire hésitante. Il la ramène au feu comme César ramenait par la barbe au combat ses vétérans étonnés. 900 bouches de bronze rugissent. La plaine et les moissons sont en flammes. De grands villages disparaissant. L'action dure 12 heures. Dans une seule charge, l'Oriston marche au trot à l'ennemi à la tête de 100 pièces de canon. 4 jours après, on ramassait au milieu des blés des militaires qui achevaient de mourir aux rayons du soleil sur des épis piétinés, couchés et collés par du sang. Les vers s'attachaient déjà aux plaies des cadavres avancés. Dans ma jeunesse, on s'occupait de lire les commentaires de Follard, de Guichard, de Tempelhof et de Lloyd. On étudiait l'ordre profond et l'ordre mince. J'ai fait manœuvrer sur ma table de sous-lieutenant bien des petits carrés de bois. La science militaire a changé comme tout le reste par la Révolution. Bonaparte a inventé la Grande Guerre, dont les conquêtes de la République lui avaient fourni l'idée par les masses réquisitionnaires. Il méprisa les places fortes qu'il se contenta de masquer, s'aventura dans le pays envahi et gagna tout à coups de bataille. Il ne s'occupait point de retraite. Il allait droit devant lui, comme ces voies romaines qui traversent sans se détourner les précipices et les montagnes. Il portait toutes ses forces sur un point, puis ramassait au demi-cercle les corps isolés dont il avait rompu la ligne. Cette manœuvre qui lui fut propre était d'accord avec la furie française. Mais elle n'eût point réussi avec des soldats moins impétueux et moins agiles. Il faisait aussi, vers la fin de sa carrière, charger l'artillerie et emporter les redoutes par la cavalerie. Qu'en est-il résulté? En menant la France à la guerre, on a appris à l'Europe à marcher. Il ne s'est plus agi que de multiplier les moyens. Les masses ont équipolé les masses. Au lieu de 100 000 hommes, on en a pris 600 000. Au lieu de 100 pièces de canon, on en a traîné 500. La science ne s'est point accrue. L'échelle seulement s'est élargie. Turenne en savait autant que Bonaparte, mais il n'était pas maître absolu et ne disposait pas de 40 millions d'hommes. Tôt ou tard, il faudra rentrer dans la guerre civilisée que savait encore Moreau, guerre qui laisse les peuples en repos, tandis qu'un petit nombre de soldats font leur devoir. Il faudra en revenir à l'art des retraites, à la défense d'un pays au moyen des places fortes, aux manœuvres patientes qui ne coûtent que des heures en épargnant des hommes. Ces énormes batailles de Napoléon sont au-delà de la gloire. L'œil ne peut embrasser ces champs de carnage qui, en définitive, n'amènent aucun résultat proportionné à leur calamité. L'Europe, à moins d'événements imprévus, est pour longtemps dégoûtée de combats. Napoléon a tué la guerre en l'exagérant. Notre guerre d'Afrique n'est qu'une école expérimentale ouverte à nos soldats. Au milieu des morts sur le champ de bataille de Wagram, Napoléon montra l'impassibilité qui lui était propre et qu'il affectait afin de paraître au-dessus des autres hommes. Il dit froidement, ou plutôt il répéta son mot habituel dans de telles circonstances, « Voilà une grande consommation ». Lorsqu'on lui recommandait des officiers blessés, il répondait « Ils sont absents ». Si la vertu militaire enseigne quelques vertus, elle en affaiblit plusieurs. Le soldat trop humain ne pourrait accomplir son œuvre. La vue du sang et des larmes, les souffrances, les cris de douleur, l'arrêtant à chaque pas, détruiraient en lui ce qui fait les Césars, race dont, après tout, on se passerait volontiers. Après la bataille de Wagram, un armistice est convenu à Znaïm. Les Autrichiens, quoi qu'en disent nos bulletins, s'étaient retirés en bon ordre et n'avaient pas laissé derrière eux un seul canon monté. Bonaparte, en possession de Schönbrunn, y travaillait à la paix. Le 13 octobre, dit le duc de Cador, j'étais venu de Vienne pour travailler avec l'empereur. Après quelques moments d'entretien, il me dit « Je vais passer la revue, restez dans mon cabinet. Vous rédigerez cette note que je verrai après la revue. » Je restai dans son cabinet avec M. de Menneval, son secrétaire intime. Il rentra bientôt. « Le prince de Liechtenstein, me dit Napoléon, ne vous a-t-il pas fait connaître qu'on lui faisait souvent la proposition de m'assassiner ?»« Oui, sire, il m'a exprimé l'horreur avec laquelle il rejetait ces propositions. »« Eh bien, on vient d'en faire la tentative. Suivez-moi. » J'entrai avec lui dans le salon. Là étaient quelques personnes qui paraissaient très agitées et qui entouraient un jeune homme de 18 à 20 ans, d'une figure agréable, très douce, annonçant une sorte de candeur, et qui seul paraissait conserver un grand calme. C'était l'assassin. Il fut interrogé avec une grande douceur par Napoléon lui-même, le général Rapp servant d'interprète. Je ne rapporterai que quelques-unes de ses réponses qui me frappèrent davantage. « Pourquoi vouliez-vous m'assassiner ? Parce qu'il n'y aura jamais de paix pour l'Allemagne tant que vous serez au monde. Qui vous a inspiré ce projet ? L'amour de mon pays. Ne l'avez-vous concerté avec personne ? Je l'ai trouvé dans ma conscience. Ne saviez-vous pas à quel danger vous vous exposiez ? Je le savais, mais je serais heureux de mourir pour mon pays. Vous avez des principes religieux. Croyez-vous que Dieu autorise l'assassinat ? J'espère que Dieu me pardonnera en faveur de mes motifs. Est-ce que, dans les écoles que vous avez suivies, on enseigne cette doctrine ? Un grand nombre de ceux qui les ont suivis avec moi sont animés de ces sentiments et disposés à dévouer leur vie au salut de la patrie. Que feriez-vous si je vous mettais en liberté? Je vous tuerais. » La terrible naïveté de ces réponses, la froide et inébranlable résolution qu'elles annonçaient, et ce fanatisme si fort au-dessus de toutes les craintes humaines, firent sur Napoléon une impression que je jugeais d'autant plus profonde qu'il montrait plus de sang-froid. Il fit retirer tout le monde, et je restai seul avec lui. Après quelques mots sur un fanatisme aussi aveugle et aussi réfléchi, il me dit « Il faut faire la paix ». Ce récit du duc de Cador méritait d'être cité en entier. Les nations commençaient leur levée. Elles annonçaient à Bonaparte des ennemis plus puissants que les rois. La résolution d'un seul homme du peuple sauvait alors l'Autriche. Cependant, la fortune de Napoléon ne voulait pas encore tourner la tête. Le 14 août 1809, dans le palais même de l'empereur d'Autriche, il fait la paix. Cette fois, la fille des Césars est la palme remportée. Mais Joséphine avait été sacrée, et Marie-Louise ne le fut pas. Avec sa première femme, la vertu de l'onction divine sembla se retirer du triomphateur. J'aurais pu voir dans Notre-Dame de Paris la même cérémonie que j'ai vue dans la cathédrale de Reims. À l'exception de Napoléon, les mêmes hommes y figuraient. Un des acteurs secrets qui eut le plus de part dans la conduite intérieure de cette affaire fut mon ami Alexandre de Laborde, blessé dans les rangs des émigrés et honoré de la croix de Marie-Thérèse pour ses blessures. Le 11 mars, le prince de Neuchâtel épousa à Vienne par procuration l'archiduchesse Marie-Louise. Celle-ci partit pour la France, accompagnée de la princesse Murat. Marie-Louise était parée, sur la route, des emblèmes de la souveraine. Elle arriva à Strasbourg le 22 mars et le 28 au château de Compiègne où Bonaparte l'attendait. Le mariage civil eut lieu à Saint-Cloud le 1er avril. Le 2, le cardinal Fesch donna dans le Louvre la bénédiction nuptiale aux deux époux. Bonaparte apprit à cette seconde femme à lui devenir infidèle ainsi que l'avait été la première en trompant lui-même son propre lit par son intimité avec Marie-Louise avant la célébration du mariage religieux. Mépris de la majesté des mœurs royales et des lois saintes qui n'étaient pas d'un heureux augure. Tout paraît achevé. Bonaparte a obtenu la seule chose qui lui manquait. Comme Philippe Auguste s'alliant à Isabelle de Hainaut, il confond la dernière race avec la race des grands rois. Le passé se réunit à l'avenir. En arrière comme en avant, il est désormais le maître des siècles s'il se veut enfin fixer au sommet. Mais il a la puissance d'arrêter le monde et n'a pas celle de s'arrêter. Il ira jusqu'à ce qu'il ait conquis la dernière couronne qui donne du prix à toutes les autres, la couronne du malheur. L'archiduchesse Marie-Louise, le 20 mars 1811, accouche d'un fils, sanction supposée des félicités précédentes. De ce fils éclos, comme les oiseaux du pôle, au soleil de minuit, il ne restera qu'une valse triste, composée par lui-même à Schönbrunn, et jouée sur des orgues dans les rues de Paris autour du palais de son père. Fin de la section 6.